Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Alfred Hitchcock, le maître incontesté du suspense. C'est le cinéaste que je préfère avec Jean Renoir. Et ensuite, c'est un homme qui, je crois, est très sous-estimé par tous les gens qui aiment le cinéma. Il est très célèbre, mais il est sous-estimé particulièrement par les journalistes américains, par exemple, qui en parlent avec condescendance. Or, je crois qu'il est, d'une part, le plus grand technicien du monde actuellement et l'un des plus grands artistes. François Truffaut, qui parle de son admiration pour Alfred Hitchcock à l'émission Carrefour en 1962. Au moment de cette entrevue, François Truffaut sort d'une série d'entretiens avec Alfred Hitchcock durant 8 jours. Le jeune génie de la nouvelle vague française causera le cinéma avec le vieux maître du suspense américain. Le livre qui va ressortir de cette série d'entretiens est aujourd'hui encore une lecture obligée pour quiconque s'intéresse sérieusement au cinéma. Good afternoon. Here we have a quiet little motel tucked away off the main highway, and as you see, perfectly harmless looking, when in fact it has now become known as the scene of the crime. Let's go inside. Alfred Hitchcock, apparaissant au début de la bande-annonce de son film Psychose, réalisé en 1960, est devenu un grand classique du cinéma. Pour esquisser le portrait du grand maître, André Lavoie, critique au journal Le Devoir. André, bonjour. Bonjour, Jacques. Quel bonheur que de faire ensemble cette émission sur Alfred Hitchcock. Un mot d'abord, on va parler de l'importance qu'il a tout au cours de l'émission, mais en quelques mots, quelle place il occupe, Alfred Hitchcock, au panthéon du cinéma, André Lavoie? Une place essentielle. Un détail, dans beaucoup de listes des meilleurs films de tous les temps, souvent Vertigo est placé en deuxième position juste derrière Citizen Kane d'Orson Welles. Quand même. Donc, c'est vous dire son importance, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça a été souvent et longtemps un cinéaste méprisé, quelqu'un qui faisait davantage du divertissement que du cinéma. Enfin, c'est ce qu'on disait de lui. Parce que tous ses films, enfin, ses films vont connaître un très, très grand succès. Tout à fait. Un succès populaire. Ouais. Et souvent, l'establishment du cinéma ou les critiques ou les historiens jugent ça un peu de haut. Mais, et les critiques issues de la nouvelle vague, en fait, les cinéastes de la Nouvelle Vague qui ont d'abord été critiques, je parle de François Truffaut, Éric Rohmer, Claude Chabrol, ont souligné à quel point Hitchcock était en fait le plus grand créateur de formes du 20e siècle et ils avaient, à mon avis, drôlement raison. Ouais. Parlons du jeune Hitchcock. Mm-hmm. On l'oublie parfois. Quand on entend son accent, on s'en rappelle. Il est britannique. Tout à fait. C'est important. Son enfance, ça nous en dit déjà sur le personnage, le milieu auquel il appartient. Tout quel genre fait. D'enfance il a? Mm-hmm. Il est né en 1899. Il est né dans une famille de commerçants catholiques. Ça, c'est vraiment important. Donc, c'est déjà comme, je vous dirais, une première singularité dans la société britannique. Il a été un élève des Jésuites et ça, c'est très important. Plus il avançait en âge, plus il parlait ouvertement d'une éducation qui était très, très stricte. Il a beaucoup souffert, beaucoup de punitions corporelles. Et en plus, il était déjà corpulent, ce qui l'a d'une certaine façon isolé des autres. Et beaucoup de gens disaient à l'époque, quand il racontait l'histoire du jeune Hitchcock, on disait qu'il était déjà un peu corpulent et les deux mains devant son ventre à observer le monde d'une manière un peu cynique et misanthrope. Alors ça, ça va le suivre tout le long de sa vie. Et l'autre chose aussi, que c'est un détail que toutes les biographies évoquent et que même certains historiens disent que c'est faux, mais après tout ce que j'ai lu, je crois que c'est vrai. Il raconte souvent que son père, à l'âge de 5-6 ans, l'avait amené dans un commissariat et le père avait dit au policier « Enfermez mon fils pendant quelques minutes, il a fait un mauvais coup, je veux lui donner une bonne leçon. » Et cet événement-là aurait traumatisé Hitchcock et c'est pour ça que dans beaucoup de ses films, on retrouve ce qu'on appelle le faux coupable, oui. Quelqu'un qui est plongé dans une situation absolument rocambolesque et on l'accuse de quelque chose qu'il n'a pas fait, ce qui ne signifie pas qu'il n'est pas coupable de quelque chose ou qu'il n'est pas... C'est pas, ça ne fait pas de ces personnages-là des êtres irréprochables. Et donc, il jouait beaucoup sur cette ambiguïté-là. Mm-hmm. Et Hitchcock se plaît à raconter que c'est cet événement-là fondateur qui a un peu beaucoup teinté toute son œuvre. Ouais. Évidemment, il fera une très, très grande carrière à Hollywood. Les années 50 et 60, c'est ahurissant. Mm-hmm. Mais ça commence en Angleterre. Il est britannique. Il commence à s'intéresser au cinéma au moment où il est toujours en Angleterre. Puis il va faire plusieurs films en Angleterre. Comment résumer cette période anglaise, André Lavoie? Bien, la période anglaise, les gens la connaissent moins. Les cinéphiles même la trouvent peut-être négligeable par rapport à la période américaine. Mais le Hitchcock extraordinaire d'Hollywood n'aurait pas pu éclater, émerger s'il n'y avait pas eu la période anglaise. Parce qu'il commence à s'intégrer au milieu du cinéma à partir du début des années 20. Il va monter graduellement, rapidement les échelons. Il va commencer par dessiner des sous-titres. Ouais. Il va faire tous les métiers. Il va apprendre son métier. Il va aussi être à l'époque du cinéma muet. Ses premiers films seront des films muets et il va vivre le passage du parlant. Et dès le départ, ce qu'il va réaliser et ce qu'il va faire, et ça sera une obsession pour lui, comment raconter les choses de manière purement cinématographique. Ouais. Faut se rappeler, à l'époque, on faisait beaucoup ce qu'on appelait du théâtre filmé, on s'inspirait beaucoup du théâtre. Et lui, en fait, il en a fait des adaptations de pièces de théâtre. Il a fait aussi des mélodrames, des comédies musicales. Mais déjà, la Hitchcock touch mm-hmm. se mettait en place. Et là où il excellait, c'était dans les thrillers psychologiques. Déjà. Et ses films les plus populaires dans sa période anglaise, ce sont tous des films comme Une femme disparaît, Les 39 marches, L'homme qui en savait trop dans sa version anglaise, parce qu'il va en refaire une version américaine un peu plus tard. Ce sont tous des films qui jouent à la fois sur la question de la culpabilité, qui sont des thrillers où souvent on connaît les enjeux en termes de qui a fait quoi. Ouais. Et c'est pas ça que les romans d'Agatha Christie n'ont jamais intéressé Alfred Hitchcock, parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était comment les personnages mm-hmm. peuvent se dépêtrer des situations souvent rocambolesques dans lesquelles il est plongé. Il s'installe à Hollywood en 1939. Qu'est-ce qui l'amène à Hollywood? Ben, écoutez, ce qui l'amène d'abord, et Hollywood aime beaucoup ça, c'est la popularité. Parce que les films anglais d'Hitchcock sont quand même assez populaires, sont très populaires en Angleterre, parce que Hitchcock avait compris que s'il voulait être connu et avoir du pouvoir, il fallait qu'il fasse sa propre autopromotion. Et il, pour lui, son nom devait être en haut de l'affiche. Donc, les gens, rapidement, les spectateurs anglais, allaient voir des films d'Alfred Hitchcock. Hmm. Et ça n'a pas échappé à Hollywood, parce qu'il faut aussi préciser que lorsqu'il débute dans le milieu du cinéma en Angleterre, il est dans une succursale anglaise d'un studio américain. Alors, il apprend les méthodes américaines en Angleterre. Donc, lorsqu'il arrive en 1940 pour tourner son premier film américain, Rebecca, il a déjà une bonne idée de la façon dont les Américains fonctionnent lorsqu'ils font des films. D'ailleurs, Hitchcock disait toujours que lorsque les portes se referment derrière un studio, c'est comme une mine de charbon, elles sont pareilles partout. Mm-hmm. Donc, lorsqu'il arrive à Hollywood, il a déjà quand même une excellente maîtrise du cinéma. Il connaît bien les rouages des techniques américaines et il arrive déjà auréolé de succès. Et Rebecca, son premier film américain, va quand même remporter l'Oscar mm-hmm. du meilleur film. Oscar, que c'est son producteur qui va recevoir l'Oscar, David O'Selznick. C'est un bon départ. Oui, mais c'est quand même un peu ironique parce que lui n'en recevra pas par la suite. Ouais. Depuis déjà quelques minutes, André Lavoie, on a commencé à décrire le cinéma d'Hitchcock. Ce que je vous propose, c'est qu'on entende un extrait sonore, une bande-annonce, en fait, qui nous montre comment Hitchcock et la machine hollywoodienne décrit le cinéma d'Hitchcock. Vous allez voir, c'est assez savoureux. Extrait de la bande-annonce de Vertigo, Sueur froide en français. Vertigo, a feeling of dizziness, a swimming in the head. Figuratively, a state in which all things seem to be engulfed in a whirlpool of terror. As created by Alfred Hitchcock in the story that gives new meaning to the word suspense. Ça Sentiment de vertige, baignade à l'intérieur de la tête et du cerveau dans un monde qui ressemble à un bain tourbillon de terreur, dit cette bande-annonce du film Vertigo, sueur froide donc en français. Un film qui donne un nouveau sens au mot suspense, poursuit la bande-annonce. Tout est là, André Lavoie. Et ça nous montre aussi qu'on a commencé à décrire le cinéma d'Hitchcock, mais une des composantes très, très importantes, c'est l'aspect psychologique, la psychologie des personnages. Mais c'est trouble, on est à l'intérieur du cerveau, le tourbillon de d'émotion, de terreur. Ça, c'est très, très présent dans les films d'Hitchcock. Totalement. Et en fait, aussi, c'est un film qui montre bien cette idée qu'il s'intéresse peu à qui fait quoi ou qui cache quoi. C'est-à-dire qu'on sait assez rapidement que James Stewart sait que la femme qu'il poursuivait et qui est morte sous ses yeux, lorsqu'il la retrouve, il sait que dans le fond, il s'est fait berner, mais il est amoureux d'une femme qui était morte et qui tout à coup revient à la vie. C'est complètement tordu. Et c'est aussi, il faut le dire, un film sur le cinéma. Et c'est ça, je pense, qui fait que les critiques aiment beaucoup ce film-là. C'est que c'est un film, dans le fond, sur le désir de se faire raconter une histoire, même si on sait que cette histoire-là n'est pas vraie. Ouais. Alors, tout ça est une grande métaphore sur le cinéma, fait avec une élégance, une intelligence, une virtuosité exceptionnelle. Il y a toutes sortes d'histoires aussi qui circulent autour de ce film-là, parce que d'abord, on raconte encore là l'histoire de quelqu'un qui est en quête d'une femme qui n'existe pas. Et il faut savoir que Hitchcock, qui avait souvent des rapports troubles avec ses actrices, ce n'était pas Kim Novak qui devait incarner le personnage de cette double femme-là. Et il était frustré que Vera Miles, qui devait jouer ce personnage, ne l'ait pas joué parce que, en fait, elle est tombée enceinte avant le tournage et elle pouvait plus. Et donc, les rapports ont été très, très, très difficiles avec Kim Novak. Il était pas satisfait. Mais en même temps, tous ces tiraillements-là psychologiques sur le plateau ont forcément teinté le film et ça ajoute des couches de sens, de symbolisme. Et ça ajoute, dans le fond, à toute la puissance évocatrice du film. Ça nous montre, puis vous le rappeliez, mais l'histoire, au fond, dans ce cas-là, c'est une histoire un peu abracadabrante. L'histoire n'est pas très importante pour Hitchcock. C'est vraiment la manière de raconter, la recherche formelle qui l'intéresse. Écoutez un extrait de... D'abord, Hitchcock raconte à François Truffaut la scène du long baiser dans son film Notorious, réalisé en 1944. Vous entendrez des bouts du film, puis cet échange où il dit bien à quel point ce qui l'intéresse, c'est comment je vais raconter ce long baiser. Prescott wants me over right away. Did he say what about? No. Maybe it's our assignment. Probably. Now I then felt that the camera, et je sentais que la caméra, representing the public, représentant should le public, be permitted as a third party, soit admis comme une tierce personne, to join in the embrace, à se joindre à cette embrassade. This, I was giving the public the great privilege, le grand privilège, of embracing Cary Grant and Ingrid Bergman Cary together. Grant, Ingrid Bergman ensemble. So it was, how should we say, alors, it comme, was a kind of temporary ménage à trois. Un ménage à trois temporaire. Do you want me to bring anything back with me? Yes. What about a nice bottle of wine to celebrate? Ça nous en dit beaucoup, André Lavoie, cet extrait sur la façon dont Hitchcock voit le cinéma, ce que c'est pour lui. Oui, tout à fait. Et Notorious, c'est un autre des grands films d'Alfred Hitchcock. Et c'est un autre film où les enjeux autour de l'espionnage, de l'uranium, d'une clé, tout ça est assez futile au fond. Ce qui l'intéresse, c'est comment les personnages courent après ça et quelle sorte de sentiment cette quête-là éveille chez eux. Et c'est ce qu'il appelait, c'est ça, c'est la tarte à la crème chez Hitchcock, le fameux MacGuffin, c'est-à-dire ce prétexte, cette quête, souvent très futile. Par exemple, dans North by Northwest, quelqu'un va dire « Ah ben moi, je suis dans l'import-export », donc et c'est ça un peu qui met la puce à l'oreille à un autre qui le suit, puis finalement, c'est toujours des histoires un peu rocambolesques. Ça repose sur pas grand-chose, le MacGuffin, mais c'est souvent ce que j'appellerais la bougie d'allumage qui fait en sorte que les personnages s'agitent et qu'on a le goût de les suivre dans cette quête-là, qui, comme je vous le dis, est souvent un peu mince. Et ça, il en parle très bien, d'ailleurs, dans le livre d'entretien avec Truffaut, de cette technique-là. Je reviens sur la scène du baiser, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi dans l'astuce. Il y a une insolence. Ouais. Je vous explique, c'est que à l'époque, le code Hays faisait en sorte que tout était extrêmement calibré en termes, entre autres, en ce qui concerne la sexualité, et les baisers langoureux étaient interdits. Alors, Hitchcock contourne la difficulté en faisant en sorte que Cary Grant et Ingrid Bergman s'embrassent, mais très, très, très rapidement, très furtivement, mais ils sont collés l'un à l'autre. Ils se parlent, ils s'embrassent, ils se reculent, ils s'avancent, ce qui fait en sorte, et en plus, comme c'est un plan séquence et qu'il n'y a pas de coupe au montage, ben les censeurs ne peuvent pas couper. Alors, c'est une façon pour lui de s'amuser. Une succession de petits baisers qui finissent par faire un très, très long baiser. Tout à fait. Alors ça, c'est la manière Hitchcock. La fameuse scène de la douche dans le film Psychose, ça aussi, ça nous en dit beaucoup sur la manière, Hitchcock, André Lavoie, sur cette obsession presque sur le plan de la recherche formelle. Tout à fait. Et autre chose aussi, recherche formelle et un désir avoué, non pas de faire de la direction d'acteur, mais de la direction de spectateur. Et c'est pour ça aussi que les acteurs chez Hitchcock étaient pas toujours... Enfin, ils étaient bien servis à l'écran, mais ils étaient pour eux des marionnettes, des instruments qui s'agitaient à l'intérieur du cadre. Et c'est pour ça que parfois, il y avait des tensions avec les acteurs. Et il aurait été très, très, très malheureux avec les acteurs de la méthode de l'Actor Studio parce que il y avait une façon un peu mécanique de les diriger. En fait, quand il arrive sur un plateau, le film est fait pour lui. Il s'ennuie, Hitchcock, sur un plateau. Il s'ennuie pas. Voyez-vous, c'est plusieurs historiens contredisent un peu cette théorie-là, mais c'est vrai que lui disait que dans le fond, une fois que les storyboards sont terminés, une fois que les planches à dessin sont faites pour les cadrages et tout ça, j'aimerais ça mettre ça dans une machine et que le film sorte au bout. Ça, c'est un peu une boutade. D'accord. Il avait quand même un certain plaisir à tourner et parce qu'il aimait le pouvoir. Et dans Psychose, en fait, là où encore on voit très, très bien la manière Hitchcock, c'est dans l'efficacité. Mmh. Il faut savoir qu'il est très célèbre déjà parce que ses films sont assez populaires et il a une émission de télévision, ce qui fait en sorte qu'à toutes les semaines, tous les Américains le voient. Et lorsqu'il réalise Psychose, c'est un petit film de moins d'un million de dollars, ce qui était quand même pour lui un petit budget. Il travaille avec une équipe de télévision et il structure son histoire et son tournage pour faire en sorte que la scène importante du film, c'est la scène de la douche, scène qui arrive au premier tiers du film et audace suprême, il tue la star, qui est interprétée par Janet Leigh, qui est une voleuse et qui débarque dans ce motel-là et qui va connaître une fin tragique. Et donc, toute l'audace tient à l'efficacité, à la technique et au fait que sur le plan narratif, on est constamment déstabilisé et bien sûr horrifié. Ouais. Et il tourne ce film très rapidement, mais... Cette fameuse scène qui, pour lui, l'obsession de la forme, il va mettre 8 jours sur cette scène-là. C'est ça, Hitchcock. Il a compris que c'était la scène fondatrice du film et que même si cet événement-là survient au premier tiers, ça va teinter tout le reste du film et cette angoisse va se distiller chez tous les spectateurs qui verront Psychose et même au-delà parce qu'il y a plein de gens qui auront peur de prendre leur douche après avoir vu ce film-là. Et comment? Hitchcock et les femmes, quel vaste sujet. On l'écoute, toujours tiré de cette série d'entretiens avec François Truffaut, nous parler du type de femme qui l'intéresse. The Grace Kelly type. Et le choix du genre de femme, le genre Grace Kelly. You know, in other words, what are we after? C'est-à-dire, qu'est-ce que cherchons-nous? Ladies in the drawing room. Nous cherchons des femmes dans de grands salons. Who become whores in the bedroom. Qui deviennent des putains dans la chambre à coucher. Oui, vous aimez qu'il y ait quand même quelque chose de paradoxal. You like there to be something paradoxal. C'est-à-dire qu'une femme ait l'air... I think that the most interesting women sexually... Je crois que les femmes les plus intéressantes sexuellement sont les femmes britanniques. They, the Latins and the Italians, to some degree, Latines, the French italiennes women. Et françaises aussi. They have it hanging all over them. C'est you know, the sex partout, is all... all there. But at least the English woman, mais les Anglaises, who looks like a school teacher, qui a l'air d'une institutrice, you know, is apt to get in a taxi with you, et with capable you, de monter dans un taxi avec vous, and then to your surprise, she'll tear surprise, your pants open. Elle vous arrache votre braguette. Alors, que dire, beaucoup André d'expressions de fantasmes ici, mais effectivement, d'abord, c'est sûr que tous ces films, c'est une célébration de l'élégance, de la féminité, mais en même temps, il le dit souvent, il aime, il adorait Grace Kelly, il adorait Ingrid Bergman, un peu moins Tippi Hedren, avec qui il va faire deux films, Les Oiseaux et Marnie, mais en général, les femmes visuellement et sur le plan de la narration aussi, dans les récits sont assez bien servis chez Hitchcock, mais il aimait cette subtilité, cette froideur, ce côté glacial. Et il se laisse deviner, tout là on à est fait, dans le fantasme, la sexualité. Tout à fait. Et à côté de ça, il détestait des femmes comme Brigitte Bardot ou Marilyn Monroe. Il disait, ces femmes-là, on le sait que s'afficher sur le visage et il n'y a rien d'inspirant là-dedans. Ouais. Ça nous dit quoi sur le bonhomme, sur son rapport à lui avec les femmes? C'est un homme extrêmement puritain, extrêmement, faut le dire, plusieurs l'ont souligné, assez frustré sexuellement, ce qui a teinté beaucoup ses rapports avec les actrices. À la fin de sa vie, il était de plus en plus confus et il était convaincu que Ingrid Bergman était follement amoureuse de lui. Il a eu des rapports un peu plus sains avec Grace Kelly, mais ça toujours été difficile chez lui. Mais à la fois, il y avait beaucoup d'admiration et puis un certain mépris. Il faut dire une chose aussi, c'est que là, on est ensemble à célébrer Alfred Hitchcock et on n'est pas les seuls à le faire depuis des décennies. Mais à l'époque où il était actif et qu'il était célèbre et populaire, beaucoup d'acteurs et d'actrices ne l'aimaient pas, ouais, et le méprisaient même un peu. Ils trouvaient qu'il faisait davantage du divertissement que du cinéma, ce qui fait qu'il n'avait pas toujours... toutes les stars n'étaient pas à ses pieds. Ouais. Il y a bien des gens qui ne voulaient pas. Et les stars et les acteurs qui travaillaient avec lui, parfois, c'est parce qu'ils étaient sous contrat, ils n'avaient pas le choix, et ça ne s'est pas toujours bien passé. Et c'est pas... De toute façon, il n'y a pas un réalisateur au monde qui a les vedettes qu'il désire, là. Mais il ne faut pas croire que Hitchcock était roi et maître tout le temps, même s'il avait beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent et qu'il a réussi à s'imposer comme personne et comme artiste à Hollywood, ce qui est quand même tout un exploit. On termine cette émission en essayant de mesurer, tâche immense, son héritage, l'influence qu'il aura, André Lavoie. Son influence est énorme, immense et se voit à chaque année dans un paquet de films, et il y a beaucoup de grands réalisateurs. Je pense à des gens comme Steven Spielberg, Roman Polanski, Brian De Palma, John Carpenter, Wes Craven, David Fincher. Tous ces réalisateurs-là ne peuvent pas nier l'influence qu'Alfred Hitchcock a eue sur... La manière de faire du cinéma. La manière, la façon d'aborder les films, l'intelligence. Et je reviens à ce point-là, parce que c'est un point essentiel. Comment raconter une histoire de manière purement cinématographique? C'était son obsession. Il y a aussi une chose fondamentale. Il adorait le cinéma. Et quand on dit que c'est un grand créateur de forme au 20e siècle, ça donne au cinéma toutes ses lettres de noblesse. Et Hitchcock est vraiment, à mon avis, à placer parmi les grands cinéastes du 20e siècle. C'est un incontournable. André Lavoie, critique de cinéma au Devoir, merci infiniment de votre participation à l'émission. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.